miroir de regard. Je vais partir jusqu'à cracher mes déboires. Jusqu'à cracher mes déboires. Je dois partir. C'est l'autre pays.